à toutes et à tous. Générique court pour formule courte de pellicule et pourriture noble. Ici, c'est Monsieur Gravelax. Et donc, à chaque coup qu'il y aura un complément, que je tomberai sur un complément que je n'ai pas pu traiter durant l'épisode, et pourtant, bah, pour ce qui est de Cross, 3h15 d'épisode, on peut penser qu'on aurait fait le tour. Et ben je n'hésiterai pas à faire un petit complément voilà, sur ce sur quoi j'ai pu tomber. Alors, déjà, je tenais vite fait aussi à remercier les premiers auditeurs, les premiers cobayes du podcast. Je les en remercie. J'espère que si ce n'est la forme qui peut présenter certaines maladresses, et je m'en excuse, mais bon, j'espère que ça se corrigera. Du moins, ils ont apprécié le fond. Et donc, pour revenir à l'idée du bonus, après l'enregistrement de Cross, je suis tombé sur deux pièces intéressantes que je n'avais pas sur le moment. Une, tout d'abord, je vais y passer très vite parce que c'est un avis, et puis on en a eu pas mal, à savoir que c'est un avis d'époque. Je suis tombé sur un avis d'un programme télé de la fin des années 80. En effet, si vous vous souvenez bien, Philippe Sedbon avait dit que, le réalisateur de Cross, avait dit que même si le film est aujourd'hui moins bien noté, etc., la presse à l'époque avait été vraiment élogieuse, sympathique avec lui. Et on l'avait vu par exemple avec un article de Première, par exemple, qui était feu vert partout, quoi. Voilà. Donc là, et ben c'est à peu près la même chose. On a deux étoiles pour Cross. Et alors, je vais juste lire ce qui est de la critique. Le résumé, ça ne sert pas à grand chose. Donc, à savoir, ce premier film aurait pu être navrant de banalité, que ce soit le sujet, les situations, les personnages. On a déjà tout vu. Mais il a un regard neuf et plein d'humour qui ravive les éléments classiques du polar. Quelques touches font du flic fatigué, qui est un anti-héros rejeté de son entourage, que ce soit des fous, du tueur à gages, de l'homme brisé qui veut à tout prix se venger, des personnalités de plus en plus nuancées et attachantes. Et si le film n'est pas dénué de suspense, loin de là, il ne développe jamais d'angoisse malsaine. Il ne cherche pas à faire s'émouvoir le spectateur sur l'enfant et les femmes kidnappées. C'est un jeu qui n'offre pas de place à la sensiblerie. Jeu d'autant plus convaincant qu'il est servi par une interprétation brillante dans son ensemble, Giraud et Sardou en tête. Solide, la réalisation est particulièrement réussie dans la séquence de l'hôtel, avec un recours fréquent à la courte focale, des plongées et contre-plongées abruptes, et une multiplication des gros plans. Bref, un moment de vrai plaisir dans la tradition d'un certain cinéma américain. Donc une critique qui est dans le ton de celle de Première, à savoir quasiment des feux verts partout, pas de défauts, voilà. Bon, à la limite, c'est certainement que sur le moment, à l'époque, Cross a dû quand même proposer quelque chose de nouveau, alors, qui n'est pas dépourvu de défauts, mais qui tranchait avec le ton de l'époque peut-être. C'est peut-être ça aussi qui donne à chaud peut-être cette sensation. Et puis nous, voilà, avec d'autres, tout ce qu'on a pu voir par la suite, voilà, le film non seulement a vieilli, il reste très sympathique, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait l'objet d'un épisode, mais voilà, donc, il est à prendre aussi avec ce qu'on a connu nous depuis. Donc ça c'était pour la première pièce, j'y suis passé assez rapidement. Surtout, deuxième pièce très importante, je suis tombé sur une interview de Michel Gogla, qui est à savoir le compositeur de la musique du film de Cross, et une interview assez intéressante, puisque en fait, ça permet surtout aussi de savoir comment et dans quelles conditions elle a été mise en place. On rappelle que Cross était un film à petit budget, et que, je vais pas dire tout s'est fait à l'arrache, loin de là, c'est pas ça, mais dans des délais assez courts, et c'est le cas notamment pour la musique. C'est pour ça que je vais développer cette partie-là sur la musique du film. Alors, le but du bonus, c'est pas non plus de refaire 3 heures, mais au moins, si on prend un thème, et de le prolonger le plus possible, voilà, sans être dans le détail absolu, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que Michel Gogla, donc je rappelle rapidement ce qu'il a fait d'autre à part Cross, donc s'il a surtout travaillé dans les années 80, surtout peut-être des comédies, Twist Again à Moscou, La Smala, Sac de nœuds, Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poirel avec Lanvin, Daroussin, Bacri. Et alors, par contre, oui, je fais un erratum. Je pense avoir dit qu'il avait aussi fait la musique du second et dernier film de Philippe Sedbon pour le cinéma, à savoir Mr. Frost. Mais non, ce n'est pas lui. Malgré, voilà, malgré le fait que sur un site c'était marqué que c'était lui, mais non, c'est un certain Levine, quelque chose comme ça. Par contre, il a collaboré une deuxième fois avec Philippe Sedbon, qui est assez fidèle avec ses techniciens et son équipe. Et donc, oui, il a collaboré pour un téléfilm qui s'appelle Tango Bar, voilà, qui, enfin, avec, de 91, où il y a notamment Bruno Kremer, voilà, un téléfilm policier. Donc, voilà pour ce qui est de Michel Gogola. Donc, ce qu'il dit, il dit en effet que Cross, et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'interview, c'est pour ça que je me suis permis de faire un bonus dessus, que c'est le film, d'après lui, sur lequel il s'est le plus éclaté en tant que compositeur. Il s'est très bien entendu avec Philippe Sedbon, qui ne lui a pas, qui ne lui a pas cherché de noises, entre guillemets, avec qui il a eu un très bon rapport de travail. Donc il reconnaît en lui, on va dire, le bon faiseur. C'est-à-dire que, voilà, il a un statut de réalisateur de films de série B, mais c'est pas, voilà, c'est pas péjoratif dans sa bouche, hein, c'est vraiment le bon faiseur. Il reconnaît aussi, ça j'y étais venu assez vite dans le podcast, mais sur la polyvalence du personnage. En effet, voilà, ici, qu'il est, à part le cinéma, la télé, ce qui est aussi du domaine de la BD, et enfin de la littérature, il a fait aussi, j'avais dit, une dizaine de romans. Et donc, bref, les instructions que Sedbon a donné à Gogla pour Cross, c'est une musique, de faire une musique glauque, désabusée, un peu dans le style de certaines compositions de Morricone, tout en apportant une certaine modernité. Voilà. Et il dit en effet qu'il a été, enfin, il s'est régalé à écrire cette musique qui colle bien à l'ambiance et au malaise du film. Et pour cela, il explique que sur 8 jours, comment est-ce qu'il s'y est pris? D'un côté, lui, il a fait la composition, donc en 8 jours. Puis ensuite, il a refilé cette partition à un certain, donc, Karl-Heinz Schaffer, qui, alors, je vais expliquer un petit peu, qui lui a fait les programmations synthé. Alors, ce Schaffer, Karl-Heinz Schaffer, qui est-il? Alors, déjà, il est mort en 96 à 64 ans. Alors, il a beaucoup travaillé dans la musique du cinéma, soit en tant que compositeur, et quand il a été compositeur, c'est surtout pour les musiques des films de Jacques Brel, enfin surtout deux, à savoir Extérieure Nuit en 1980 avec André Dussollier, avec Gérard Lanvin, Christine Boisson par exemple. Et aussi, surtout, le peut-être plus connu, Polar avec Jean-François Balmer. Et il a travaillé aussi, bah, par exemple, si, voilà, enfin, encore avec Brel dans le film en 89 de, enfin, Sans espoir de retour, qui est un film de Fuller, mais. Avec qui, enfin, Brel avait signé le scénario avec Fuller. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il a travaillé aussi, ce Karl-Heinz Schaffer, avec Robert Enrico, pour deux films, L'empreinte des géants en 1980 avec Serge Tidjani, et Vent d'Est en 93 avec Malcolm McDowell et Michel Serrault. Voilà. Donc ça, c'est en tant que compositeur. Mais après, ce qu'il arrivait aussi, c'était de faire des arrangements pour d'autres films. Et bah, ça donne des choses un peu spéciales. Alors, pour Schulman, par exemple, il a fait les arrangements de la musique de Prof et de Les oreilles entre les dents. Et d'autres choses aussi, bah, peut-être plus rigolotes, comme Rodriguez au pays des merguez. Voilà, bon. Et Cross, voilà. Donc voilà pour la façon dont ils se sont mis au travail. Et dernière chose dans le témoignage de Gogla, ce qu'il dit sur la musique de Cross et la méthode de travail, il dit que comme le délai de 8 jours était relativement court, Cette pression lui a été, loin d'être un obstacle, même si bon, ça faisait partie du jeu, lui a permis d'être encore plus efficace parce qu'elle pousse elle l'a poussé en fait à faire preuve d'inventivité. Mais en même temps, c'est ce qu'il a dit, Philippe Sedbon ne l'a pas embêté plus que ça. Il est venu juste le voir une fois pour un peu ce qu'il dit, définir la couleur musicale du film, mais après il l'a laissé faire. Et de toute façon, dans Tango Bar, l'autre téléfilm, enfin le téléfilm qu'il fera après ici, ça sera la même méthode de travail, à part que Sedbon ne le verra même pas, ils se verront même pas l'un et l'autre. Bon, pour la suite, Michel Gogla, c'est ce qu'il dit en fait, c'est que bon, pour la suite, le métier a bien changé et que c'est ce qui l'a poussé à un peu s'éloigner beaucoup ici de la musique de film. Voilà, et que vraiment. Lui, il agit par comment dire, plus par amitié plutôt que par intérêt. Donc, dans ce cas-là, il préfère rien faire. Et donc, c'est seulement si il a un coup de cœur humain que il reprendra le chemin peut-être de la musique de cinéma. Alors ça, c'était une interview de 2007. Pour prolonger cette thématique, ce bonus sur la musique de Cross. Bah, je propose tout simplement, c'est de voir un petit peu ce qui va revenir. C'est-à-dire que il y a des. Alors je n'en passe pas la musique du début, mais il y a un thème ici qui va revenir assez souvent et deux, trois autres qui vont être utilisés. Donc ce que je vous propose, c'est simplement de très rapidement voir quel thème sont caractéristiques de Cross et dans quel. Scènes ou types de scènes sont-ils utilisés et combien de fois éventuellement, donc il y a un peu ce côté-là qui va intervenir. Donc, pour ce qui est de la musique du début, hein, qui, si vous vous souvenez peut-être, de toute façon, c'est ce qui ouvre le podcast quand on parle de Cross et la musique avant le déroulé, c'est le côté, voilà, le côté un peu pulsation cardiaque, hein, le côté rythme. Et ben, à part cette scène du début, elle est utilisée juste une deuxième fois, ce côté un peu cardiaque, c'est lors de l'évasion des fous de l'asile, avec la scène dans le couloir avec l'infirmier. Donc ça, c'est la deuxième fois et seule fois, si j'ai bien compté, que si j'ai rien oublié aussi, que cette musique du début est utilisée. Donc ça, je ne vous la passe pas, je ne la repasse pas, je vous demande de. Enfin, si vous voulez voir de quoi je parle, de vous référer au podcast. Pareil pour la musique de fin, pareil qui clôture le podcast, enfin le premier épisode du podcast, à savoir que la musique de fin, elle est utilisée une toute petite fois, c'est la scène où Cross va voir son ex-femme dans son appartement, qu'elle dit qu'elle est avec quelqu'un, et à la fin elle balance le plateau, lui repart et elle balance le plateau, etc. Donc pareil, la musique de fin est utilisée, le thème est utilisé une autre fois dans le film. Donc voilà pour le début, pour la fin, on l'utilise, Michel Gogla l'utilise aussi une fois dans le film. Sinon, je vais faire par ordre décroissant, celui qui est utilisé le plus et qui revient le plus, c'est un thème un peu qui met la pression. Alors pareil, je vais vous passer le thème. Alors voilà, je trouve que c'est à peu près entre, on va dire, 25 secondes et 1 minute. Je rappelle que la musique n'est pas sortie en CD, donc je suis obligé de prendre par-ci, par-là, et il y a certainement des dialogues dessus. Voilà, mais c'est un petit peu pour que vous ayez l'idée de quoi je parle. Et bah, donc je vous passe ce premier thème qui revient le plus souvent. Et après on en parle pour savoir bah, comment il est utilisé et pour quel type de scène. C'est plein bras ici. Donc pour ce qui est de ce thème qui revient le plus souvent, il est toujours utilisé soit pour un moment de, bah, on l'entend bien, soit un moment de pression, soit un moment d'avancée aussi, de progression. Là par exemple c'est celle où Cantor et Cross avancent dans l'hôtel et parmi le couloir infesté de rats par exemple. La pression, c'est par exemple le flashback où on voit Cross voit Simon au tribunal, sortir du tribunal. C'est le face-à-face entre Simon et Cross, la première fois où ils sont dans la maison de la belle famille de Cross et où il s'est fait attraper par les quatre fous. Il y a aussi quand Cantor et Cross reviennent dans la maison de la belle famille. Et il faut savoir s'il y a quelqu'un ou pas, si les fous sont encore là ou pas. Donc c'est un petit peu aussi une musique qui est utilisée pour l'inconnu. Par exemple, si elle revient quand Sandro et Cantor se sont battus dans les couloirs, que Sandro est à terre, que Cantor pense la blessure par balle qu'il avait eue juste avant, qu'il tourne le dos à Sandro et que Sandro se jette sur lui et on ne sait pas, hein, parce que la scène est un peu, quand même, est assez sombre, un peu l'inconnu, savoir bah, est-ce que Sandro a tué Cantor, l'a planté, est-ce que Cantor a pu se défendre et tuer Sandro aussi, voilà, il y a un peu ce côté-là. Et il y a aussi, moment de pression, bah, la mort de Claire, c'était la prof de piano si vous vous souvenez, une fois qu'elle sauve, elle se perd dans les couloirs. Elle court dans les couloirs de l'hôtel, elle se retrouve face à une fenêtre, une impasse, et elle se jette dans le vide. Donc là aussi, on a ce côté-là. Et enfin, donc il y aura aussi dans la scène finale, une fois que Cantor est mort, Cross crie dans les couloirs, dans l'escalier, dans les couloirs, etc. Donc là aussi, le côté rage, voilà, musique un peu rageuse. Ensuite, il y a un autre thème qui revient souvent. Alors, un thème un peu lunaire, un peu de peur douce, donc qui revient quand même un bon nombre de fois. Je vous le passe, toujours pareil. Ce sera un extra assez court et on en discute juste après. Donc ce thème-là est utilisé par Gogla et Sedbon vraiment pour tout ce qui est des scènes de bande, des scènes entre surtout l'équipe de fous. Alors, soit c'est toutes les scènes où bah, Simon, qui en plus bon, Trimbocho, a plutôt une voix de gorge, une voix grave, donc il ne faut pas forcément des choses qui masquent trop sa voix, donc c'est une musique plus douce, c'est notamment quand soit il met un coup de pression, soit il assoit sa domination sur les autres membres de l'équipe. Il y a parfois aussi pour des mots, enfin, une musique qui est plus filiplante, mais voilà ce qu'on voit ici, le spectacle qu'offre Karin et Rudy quand ils sont dans la maison de la belle famille et qu'ils se battent ben, dans cette musique-là. Et tout de suite, Simon revient derrière pour clarifier les choses et calmer les esprits. Il y a aussi cette musique voilà, quand on voit les fous autour du feu dans dans l'hôtel. Enfin, bref, tout ce qui est, vraiment, c'est tout ce qui est les scènes avec l'équipe. Voilà. Ensuite, il reste quelques thèmes. On ne va pas tous les évoquer. Parce que soit ils interviennent qu'une seule fois, soit ils sont trop masqués. Soit vous les avez déjà entendus. Alors il y en a un que j'évoque vite fait, c'est une sorte de variation sur une seule note, c'est la scène où Sandro et Rudy un peu discutent de leur folie, savoir quelle est la nature de leur folie. Il y en a une sorte en fond de variation sur une note, voilà, qui bon, une sorte de pas forcément de souffle, mais voilà, de respiration sur une seule et même note. Ensuite, on en a une qui intervient. Une fois aussi, comme quoi il y a des thèmes qui sont prévus pour quand même quelques scènes, même si d'autres reviennent beaucoup. Il y a celle, alors ça je vous renvoie aussi au podcast, puisque j'ai mis le dialogue, à savoir ici la scène où il y a la mort ou pseudo-mort de Cantor. Là aussi, on a une musique de fond qui est utilisée qu'une seule fois, que pour cette scène. Et alors, il en reste deux que je vais vous faire écouter tout de suite. Une, c'est enfin, voilà, une mélodie, c'est la mélodie de Cantor, c'est une sorte de petite guitare, voilà, une sorte de boucle de petite guitare qui est un peu asiatique, parce que bah, la première scène par laquelle Cantor nous est introduit, c'est quand il parle à son chauffeur asiatique et qu'il se rend pour avoir, entre guillemets, de la distraction virile. Voilà, donc il y a cette petite, bon, je ne sais pas si forcément mandoline, mais une petite guitare qui est un peu le thème de Cantor. On la retrouvera deux fois dans le film, et c'est toujours par rapport à Cantor. Voilà. Donc je vous laisse écouter. Un malade du jeu. Ah, ce soir, j'ai comme une envie de me détendre un peu. Et Folie Bergère? Le Lido? Bon, là. Grand champ panqué. Charlant. Donc pas trop grand chose à dire de plus. Voilà, c'est vraiment ce qui caractérise Cantor dans le film. Enfin, il reste une dernière mélodie qui n'intervient qu'une seule fois, à savoir la scène juste après la prise d'otage, juste après que le fiancé ou le frère de Claire, la prof de piano de Leslie, la petite fille, ait été tué. Et il y a donc un moment donné où Sandro laisse son fusil à pompe pendant qu'il est en train de manger sur la table. Claire, qui est à côté, le prend, le braque, mais comme elle ne sait pas s'en servir, lui se lève, le prend et la braque, et on ne sait pas si voilà, s'il va s'en servir ou pas. Il y a une sorte de petit suspense. Donc là, pareil, par contre, c'est une musique qui n'intervient qu'une seule fois. Donc je fais très vite, et là aussi, ça a été coupé juste avant le dialogue. Donc voilà, c'est juste l'extrait pour que vous ayez la mélodie. Voilà. Bref, on a affaire à un thème clairement anxiogène, et voilà, on a aussi le côté comme ça ici, la montée en pression, voilà, tout simplement. Et ensuite, il restera un dernier morceau unique utilisé pour le film et composé pour le film. C'est celui qui va clore, sur lequel on va clore le podcast sur les bonus. À savoir donc celui qui correspond en fait au duel entre Cross et Simon. Là aussi, une volonté, alors peut-être de faire du Morricone synthétique ou quelque chose comme ça, mais là aussi, c'est donc la volonté de marquer ce moment et d'en faire quelque chose d'unique. Donc c'est ce qui va clôturer la fin. Bon, bien sûr, il y aura peut-être, voilà, des coups de feu dessus, etc., peut-être du dialogue, puisque voilà, forcément la BO n'existe pas. Donc voilà pour ce qui clôture un petit peu l'analyse rapide. C'est-à-dire que le but au départ, c'était de lire l'interview supplémentaire de Michel Gogla. J'ai essayé de prolonger un petit peu pour voir les différents thèmes qui sont utilisés dans le film Cross. Bon, à chaque coup, il y aura des bonus, s'il y en a pour tel ou tel film. Ouais, ça ne sera pas forcément sur la musique, quoi. C'est sur ce que j'aurai comme pièce supplémentaire à disposition. Donc voilà qui clôt ce podcast, enfin, cet épisode du podcast sur les bonus de Cross, à savoir surtout la musique. On se retrouve donc début août pour le deuxième épisode de Pellicule et pourriture nope, qui porte, comme pour Cross, sur un polar français. Un film assez riche. Je viens de finir l'écriture hier, donc ça sera un épisode assez dense. En plus, il y aura une rubrique supplémentaire par rapport à l'épisode de pilote. Encore une fois, voilà, juste une remarque par rapport à la durée des épisodes. Je pense qu'il y aura des épisodes plus ou moins longs, Mais pour les épisodes un peu fleuves, voilà, qui dépassent 3 heures, j'espère pas plus, quoi, mais voilà. Mais des fois, si ça dépasse plus, c'est que c'est un bon film. Bon, voilà, c'est qu'il y a à dire. Le but, c'est de éventuellement, comme on fait un podcast, on essaie de voir aussi nous comment on le consommerait. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive souvent sur un thème qui m'intéresse de voilà, d'avoir des podcasts qui font parfois de 3, 4 heures, je sais pas, mais 3 heures sûres. Et ces podcasts-là, je les consomme petit à petit, pas forcément d'une traite. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là où le but pour moi, c'est plus facile de le faire d'un seul tenant. Mais voilà, faut pas être rebuté par la durée. Voilà. Juste aussi un petit mot très rapide pour dire que la page Facebook du podcast a été créée. Bon, éventuellement, mettez un petit j'aime, ne serait-ce que pour être comment dire, être informé des nouveautés, des mises à jour du podcast. Enfin, c'est à vous de voir. Hein, j'oblige à rien, mais c'est plus pratique. Puis ça fait plaisir. Quand même, faut le dire. Et sur ce, encore une fois, je vous remercie pour ceux qui ont fait l'effort de découvrir ce podcast. Hein, encore une fois, fait avec le cœur. Bon, après, il y a forcément des maladresses. J'espère encore une fois les corriger au fur et à mesure du temps. Bon, mais le but, c'est quand même de s'amuser le plus possible et de parler de ce qu'on aime. Voilà. Bon, sur ce, c'était Monsieur Gravelax. Soyez nuancés, soyez curieux. Et au prochain épisode. Sur cette note, on envoie la musique. Mon nom de vérité, Cross. Allez, jette-moi ça avant qu'il arrive un accident. Je vais te crever. Dis pas de conneries. Parle-moi ça. Laisse-la, je t'en supplie. Contre une seule petite nuit. Je t'en sors bien.